Alors là, c'est la Nationale 7. Je parcours la France. Et en fait, je suis allé en Bourgogne. Depuis chez moi, ça veut dire qu'il faut que je traverse le Massif Central, l'Allier et le Morvan. Donc en fait, on m'a prêté une voiture. Une jolie voiture. Confortable, spacieuse et belle. Et je rentre chez moi. 300 mètres, prenez la deuxième sortie par rond-point, la 46. Prenez la deuxième sortie au rond-point. Maintenant, prenez la sortie dans la 46. Suivez cette route sur 5 km. Et là, c'est la Nationale 7. Je suis derrière deux camping-cars qui sont eux-mêmes derrière une caravane. Il y a beaucoup de circulation. Il y a des camions, énormément de camions. Le paysage, c'est des grands champs de blé. Là, en ce moment, il y a une voie de chemin de fer à côté. Donc, je vois les caténaires. Et puis, assez régulièrement, il y a des radars sur le bord de la route. Et là, il y a des grands silos pour le blé en métal gris. Et c'est la plaine, vraiment c'est la plaine. Les champs sont immenses. Et je m'approche des montagnes dans l'Allier depuis le nord. Je vais bientôt quitter la Nationale 7. Mais j'aime bien cette route. Des routes dont le numéro évoque à lui seul tout un pays et qui, en plus, ont droit à leur propre chanson, il n'y en a pas 36. En fait, il y en a deux. La route 66, bien sûr, qui va de Chicago à Los Angeles, mais aussi la Nationale 7, 996 km en tout, ce qui en fait la route la plus longue de France. D'autant qu'aujourd'hui, plus grand monde n'emprunte la fameuse Nationale 7. Elle a été supplantée par plus large, plus rapide et plus chère qu'elle, l'autoroute A7. Et à cause de cette maudite autoroute, la Nationale 7 fait moins recette maintenant, aux grandes dames des petits restos, des petits hôtels, et on ne s'arrête plus dans les petits routiers, obligatoirement sympas. On s'arrête dans des aires de service avec des cappuccinos lyophilisés, des croissants sous vide, des sandwichs croque-malin et des tables allongées dans les toilettes. À l'époque de son heure de gloire, dans les décennies d'après-guerre, on prenait la Dauphine, la 403, la DS ou la Frégate, on sortait de Paris, une petite prière à Notre-Dame de la Route à Fontenay-sur-Loing, à 100 km de là, et zou, en route vers le sud. Au fil des années, on l'a élargie, on l'a goudronnée, on l'a flanquée de ses célèbres bornes au bonnet rouge, et son âge d'or a vraiment commencé avec le début des congés payés en 1936 et le développement de la voiture particulière. La Nationale 7 est devenue la route la plus empruntée de France, comme en témoignaient ses légendaires embouteillages. Ce qui fait son charme si particulier, c'est qu'elle traverse plein de régions différentes. C'est un concentré de France à elle seule. Voici la Bourgogne, bientôt l'Auvergne, puis la vallée du Rhône. Là, à hauteur du 45e parallèle, au point dit latitude 45, à Pont de l'Isère, une petite stèle en grès nous annonce « Ici commence le midi ». Et puis, c'est le petit frisson quand on dépasse Avignon, parce que là, on commence à vraiment sentir la lavande, à sentir la Provence. Mais qui, aujourd'hui, emprunte encore cette bonne vieille route du soleil? Les automobilistes qui ne veulent pas payer les péages autoroutiers et les nostalgiques. Ils sont de plus en plus nombreux, figurez-vous, et parfois, ils ont de drôles d'idées. Par exemple, à La Palisse, dans l'Allier, on organise chaque année un embouteillage de véhicules anciens. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. tout excité, on s'entend fêter. Les oliviers sont bleus, voilà. Petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette. Est-ce que je peux vous demander un café, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, monsieur. Merci madame. Oh bon, bien. Voilà monsieur. Merci beaucoup. Vous avez tout le temps du passage comme ça? Non, moins quand même, mais c'est parce que là que c'est fermé là. Ouais, c'est ça. Dans un sens alors. C'est pour ça que je suis passé par là moi aussi. Non, enfin ça passe beaucoup aussi, hein. Ouais, mais c'est quand même la Nationale 7 en fait. C'est affreux là. C'est le double. Ah, c'est le double. C'est le double. Même la nuit, ça. Ah oui, mais c'est ça n'arrête pas une minute, hein. Pas surtout la nuit. Oh ben la nuit, c'est. Wouah, c'est une horreur. Déjà que la journée. Surtout c'est... dans cette saison que les gens ont la fenêtre ouverte. Ouais. Déjà que la journée, c'est trop marrant, alors la nuit. Et alors la Nationale 7, elle va jusqu'à Clermont-Ferrand? Ah ben non, elle ne passe pas à Clermont. Hein, là, elle passe pas à Clermont. Elle passe par où? Elle passe à Rouen. À Rouen. Ah, bien sûr. D'accord. Elle descend jusqu'à Montant. C'est la 7, ça. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a quand même du monde, quoi. La légendaire. Ouais, bah ouais. Moi, j'ai grandi à côté de Melun, donc en fait, elle passe aussi là-bas. Ouais. Et du coup, vous avez du monde qui s'arrête pour boire des cafés? Bah oui, de temps en temps, oui. C'est pour ça que je suis là. Bah ouais. Le jour qu'il y aura la déviation, hein, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Ouais. Vite mort. Et ils vont construire une déviation? C'est prévu? Oh. Ça fait 50 ans. Oui, moi je ne l'ai pas connu, mais d'après les anciens, ça fait au moins 50 ans qu'ils sont en cours. 60 ans? Au moins 60 ans. D'accord. Et c'est encore porté. Mais en fait, il y a l'autoroute qui passe pas loin. C'est pas l'autoroute. La 71, c'est pas une autoroute en vrai? Si, mais enfin, elle est plus loin quand même à chaque fois. D'accord. Et puis elle va pas, c'est pas la direction. Elle va sur Clermont, sur Montpellier, sur. Ouais, ouais, d'accord. Et là, la Nationale 7, elle passe par la vallée du Rhône après, quoi. Oui, oui. Ok. Oui. Voilà, la Drôme. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est une route mythique, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Puis là, on a tous envie de dormir avec les fenêtres grandes ouvertes. Ou alors, faut mettre le ventilateur. Ouais, c'est ça. Un grand ventilateur, ça apporte pas que du bon. Ça fait du bruit et puis, puis ça rafraîchit pas tellement, quoi. Ben, disons que ça fait de l'air. Mais choper la crème, ouais. Oh, cette nuit, je me suis levé, je l'ai éteint, je dis ça va pas. Il n'y a plus. Combien je vous dois pour le café, madame? À 20. Merci madame. C'est moi. Au revoir monsieur, au revoir. Au revoir, merci. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Thank you. it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. One is a number divided by two. Voilà, c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous raconter quelque chose en plus. Et puis en même temps, je me suis dit que c'était suffisant. Donc j'ai rien mis en plus. J'ai enregistré plein de super trucs que je vous garde pendant 15 jours. Peut-être que d'ici là, j'aurai encore enregistré d'autres trucs. Et du coup, je me suis dit que je vais pouvoir finir cette saison 1 de La Diagonale du Vide un an après l'avoir commencé. C'est-à-dire durant la deuxième quinzaine du mois d'août. Après, je pense que je ferai une petite pause avant de commencer une saison 2 au mois d'octobre. J'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à vous parler. Comme toujours, je vous demande de bien vouloir me laisser un commentaire sur ma page iTunes. C'est important parce que ça va permettre de faire découvrir mon podcast à beaucoup de monde. Je vous invite aussi à aller sur ma page SoundCloud. Dessus, je mets des petits trailers des épisodes qui dure moins de 2 minutes à chaque fois. J'aime bien. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, ça dépend. Portez-vous bien, take care. Moi, je vous retrouve dans 2-3 semaines, dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.